Me voici de retour. Il est 11 heures du soir. L'état de ta mère est satisfaisant. Juliette, quoique toujours abattue, n'a pas eu d'accès de fièvre depuis ce matin. Mais quelle journée j'ai passée! Que de choses, que de tristes choses à t'apprendre, mon Edmond. Combien je te plains d'avoir à en instruire ton malheureux compagnon d'exil. Ah, je frissonne encore en songeant à ce que j'ai vu, à ce que j'ai été obligée de faire. Mon Dieu, quand je pense que j'aurais pu emmener nos enfants avec moi, regardant ce petit voyage comme une distraction pour eux. Ce matin, je suis donc montée dans un fiacre que j'avais loué pour la journée, aucune voiture publique ne passant sur la route que tu m'as indiquée. Le brouillard était épais et froid, le chemin très mauvais par suite de la fonte des neiges. Nous avons mis près de 3 heures pour nous rendre au village de Leilly. Là, le cocher a voulu faire reposer pendant quelques instants son cheval et lui donner de l'avoine. La maison de M. Sylvain Poirier se trouvait, selon ta lettre, à une demi-lieue environ de Leilly. Je descendis de voiture sur la place de l'église, désirant me renseigner sur la demeure de ton compagnon d'exil. Ayant remarqué sur la place la boutique d'un boulanger, je pensais que mieux qu'un autre, il devait connaître les habitations isolées où il portait peut-être du pain. J'entre chez lui, et m'adressant à une femme jeune encore, je lui demande si, en suivant la route, je rencontrerai la demeure d'un journalier nommé Sylvain Poirier. À peine ai-je prononcé ce nom, que cette femme rougit, regarde de côté et d'autre d'un air effrayé, jette sur moi un coup d'œil défiant, et me répond avec autant de précipitation que d'embarras. J'étais la marraine du dernier enfant de Sylvain, mais je jure mes grands dieux qu'il y a plus d'un mois que je n'ai vu ni Sylvain ni personne de chez lui, car l'autre jour sa femme m'a demandé à se reposer chez nous pendant un moment, et je n'ai pas seulement voulu lui ouvrir la porte, quoiqu'il fît nuit et mauvais temps. « Et pourquoi cela, madame ? » lui dis-je, de plus en plus surprise de l'air soupçonneux et effaré de cette femme. « Pourquoi avoir refusé l'abri qu'on vous demandait ? » Parce que si l'on avait trouvé Jeanne chez nous, on nous aurait peut-être arrêtés comme on a arrêté Petit-Jean et le père de Sylvain, me répondit-elle en tremblant. Et le pauvre vieux homme en a pour 20 ans de galère. Aux galères ? M'écriai-je, le père de M. Sylvain Poirier ? Oui, il a passé par ici dernièrement, emmené en charrette avec beaucoup d'autres prisonniers par les soldats, parce qu'il avait donné asile à un insurgé. Il m'en serait arrivé autant si l'on avait trouvé chez nous la femme de Sylvain que l'on cherchait partout dans les bois. Mais, et sa femme, où est-elle? Qu'est-elle devenue? Ah, je n'en sais rien, cela ne me regarde pas, me répondit brusquement la boulangère, semblant de plus en plus alarmée de mes questions. Je n'ai pas besoin qu'on vienne ici me compromettre en me faisant parler de Sylvain. Cette femme me parut si effrayée que, n'espérant obtenir d'elle aucun renseignement, je la quittai. Le cheval s'était reposé, je remontai en voiture, et grâce à ta lettre, mon ami, j'indiquai de mon mieux au cocher la maison de M. Sylvain Poirier. Au bout d'une demi-heure environ, nous arrivâmes. Ah, mon ami, à ce souvenir, ma main tremble si fort, mon émotion est telle que je suis obligée d'interrompre pendant un instant cette lettre. Je reprends. Nous arrivons à un tournant de la route où s'élève une croix. À 20 pas de là, m'avais-tu écrit, et à gauche du chemin, devait se trouver la maison. En effet, je l'aperçois, non loin de cet endroit. Je la désigne au cocher, et il m'y conduit. Je descends de voiture, presque en face de la porte, elle était fermée. Je frappe plusieurs fois, on ne répond pas. Enfin, à travers les barreaux d'une petite fenêtre, je vois apparaître la figure d'une enfant de 13 à 14 ans, à peu près de l'âge de notre Juliette, mais pâle, étiolée, les yeux caves et rougis. Ses cheveux, dénoués et hérissés, cachaient à demi son visage. Elle se tenait des deux mains au barreau de la fenêtre et attachait sur moi son regard craintif, hagard, presque hébété. Elle me fit peur. « Mon enfant, lui dis-je en m'approchant de la fenêtre, cette maison est-elle celle de M. Sylvain Poirier ? Êtes-vous sa fille ?» Elle ne me répondit rien et continua de m'observer d'un œil inquiet et farouche. À l'aspect de cette pauvre petite figure flétrie, dont l'expression presque sinistre contrastait cruellement avec l'épanouissement habituel aux enfants de son âge, et pensant involontairement à Juliette, les larmes me viennent aux yeux. Je pressentais quelque malheur. Cependant, je prends à travers les barreaux une des mains de cette petite fille et je lui dis « Si vous êtes la fille de M. Sylvain Poirier, ouvrez-moi, je vous prie. Je voudrais voir votre mère. » À peine eussé-je prononcé le nom de sa mère que l'enfant qui m'avait abandonné machinalement sa main la retire vivement des miennes et disparaît de la fenêtre. J'entends parler à voix basse dans la maison durant quelques instants. Puis la porte verrouillée au-dedans s'ouvre soudain devant moi. Ah, mon ami, ce fut horrible, horrible. Enfin, voici ce que je vis. Marie, c'est le nom de la petite fille, je l'ai su plus tard. Marie et ses deux frères, l'aîné de 10 à 11 ans, le plus jeune de 4 ans au plus, serrés les uns contre les autres dans un coin obscur d'une grande chambre, me regardaient tous trois de loin avec cette expression farouche, craintive et presque hébétée, qui m'avait frappé dans la physionomie de Marie. Au fond de la chambre, je vis un lit, et dans ce lit, une forme humaine dessinée par le pli des draps. Un nouveau et affreux pressentiment me serra le cœur. Je m'approchai lentement de ce lit. Celle qui l'occupait avait la tête tournée du côté de la muraille. Je ne voyais que sa coiffe d'indienne, d'où s'échappaient en désordre et tombant sur ses épaules de longs cheveux noirs. La complète immobilité du drap qui couvrait les genoux relevés de cette malheureuse femme porta mes sinistres prévisions à leur comble. Elle avait un de ses bras hors du lit et à demi caché par la couverture. Je touchai sa main. Ah, mon ami, cette main était raidie, glacée. Mais elle est morte ? M'écriai-je, reculant d'épouvante et m'adressant aux trois enfants qui, toujours pressés les uns contre les autres dans un coin obscur de la chambre, ne me quittaient pas des yeux. Mais votre mère est morte, malheureuse enfant. Oui, me répondit Marie. Elle est morte depuis 2 jours. Mon Dieu, et vous n'êtes pas allé chercher du secours ? Nous nous sommes endormis, et quand nous nous sommes réveillés au jour, notre maman était morte. Mais depuis, vous n'êtes pas allé au village, annoncer ce malheur ? Si mon frère y était allé, je serais restée toute seule auprès du corps de maman avec mon petit frère, et j'aurais eu trop peur, me répondit Marie. Voilà, mon ami, tout ce qu'il m'a été possible de tirer de ces infortunés. On voyait à l'accablement de leurs traits, à leurs yeux creux, secs, ardents, qu'ils avaient donné à la mort de leur mère toutes les larmes de leur cœur. Ils ne pouvaient plus pleurer. Leur intelligence semblait affaiblie à la suite de tant de douleurs. Ils répondirent à peine et par monosyllabes aux questions que je leur adressais. J'appris seulement, ah, mon ami, je te l'ai dit, tout cela est horrible, horrible. J'appris seulement que cette malheureuse femme, dans un état de grossesse avancée, avait mis au monde un enfant mort, et qu'en raison de l'isolement de la maison et en l'absence de tout secours, cet enfant, d'abord enseveli par sa mère, avait été ensuite enterré par son frère et par sa sœur dans un coin du jardin. Je ne pouvais laisser ces pauvres orphelins près de ce cadavre sans sépulture. Je leur demandai s'ils voulaient m'accompagner. Ils y consentirent. Ils étaient, je te l'ai dit, mon ami, tellement accablés par l'excès de leurs maux qu'ils semblaient n'avoir plus ni désir, ni volonté, ni sensibilité. Je les fis monter en voiture avec moi. Marie, au moment de quitter la maison, se retourna vers le lit mortuaire et dit, sans pleurer, mais avec un accent qui me fit pleurer, moi, « Adieu, maman !» Et puis elle redevint morne et silencieuse comme son frère. Le plus petit de ses trois enfants, revenu à l'insouciance de son âge, parut content d'aller en voiture. Il jouait sur mes genoux. Je me fis conduire chez le maire du village de Layé. Il se trouvait heureusement chez lui. Je lui appris la mort de Madame Sylvain Poirier et la présence de ses enfants auprès de ce corps depuis 2 jours. Le maire me promit de donner, sur le champ, des ordres pour l'enlèvement du cadavre et pour l'enterrement qui aurait lieu le lendemain. « Mais les enfants, lui dis-je, que vont-ils devenir ? Ils ne peuvent rester ainsi abandonnés ? N'ont-ils ici aucun parent ?»« Aucun, me répondit le maire. » Je me rappelai alors que la boulangère était la marraine de l'un des orphelins. Peut-être, dis-je au maire, si vous promettiez à cette femme qui semble fort effrayée qu'elle ne serait pas inquiétée pour avoir recueilli ses enfants, elle consentirait à les garder près d'elle. C'est une charge trop lourde pour Madeleine, m'a-t-il répondu, car elle a une famille nombreuse. Mais elle pourra leur donner asile jusqu'à ce que je les envoie au dépôt de mendicité. On ne saurait les placer ailleurs. Ah, pauvres enfants! Ah, mon ami, je le répète, tu le vois, tout cela est horrible. Hélas, si nous n'étions pas nous-mêmes dans une position si précaire, j'aurais pris soin de ces orphelins. Mais tu sais si cela nous est possible. Je priai le maire de m'accompagner chez la boulangère et pour la rassurer de l'engager lui-même à recueillir momentanément les malheureux abandonnés. Elle y consentit, et cette femme, dont le cœur au fond me paraît bon, promit de les garder chez elle pendant quelque temps. « Ce n'est pas tout, lui dis-je. Il reste un dernier devoir à accomplir auprès de leur mère. Il faut l'ensevelir, et avec elle, le pauvre enfant qu'elle a mis au jour. » Il me fut impossible, à ce sujet, de rien obtenir de Madeleine. Elle avait, disait-elle, trop peur des morts. « Mais, monsieur, dis-je au maire, qui donc ensevelira cette femme ?»« Je n'en sais trop rien, madame. Je ne sais à qui m'adresser, ici, me répondit-il. Alors, mon ami, j'ai considéré comme un devoir, pour moi, de m'occuper de ce pieux office envers celle qui fut la femme de ton compagnon d'exil. L'enterrement ne pouvait avoir lieu que le lendemain. Il me coûtait de penser que ce pauvre corps resterait encore délaissé durant la nuit dans l'isolement de cette maison. Je parvins, à force d'instances et en lui donnant quelque argent, à décider une vieille femme du village à me suivre afin de m'aider à l'ensevelissement du corps qu'elle veillerait ensuite jusqu'au lendemain. Je remontai en voiture avec cette femme. Je retournai à la maison de M. Sylvain. Et tu peux lui apprendre, hélas, triste consolation, que j'ai clos les paupières de sa femme et enseveli dans le même linceul que sa mère l'enfant à qui elle avait dernièrement donné le jour. Ces tristes devoirs accomplis, je me suis remise en route à la nuit. Je me suis arrêtée chez la boulangère pour la prier de m'écrire lorsqu'on l'on dirigerait les enfants vers le dépôt de mendicité d'Orléans. Elle me le promit, ajoutant que si son mari voulait y consentir, elle garderait près d'elle son filleul, le plus jeune des trois orphelins, appelé Dominique. Je l'ai encouragé dans cette généreuse résolution. J'ai quitté le village, et je n'ai pu être de retour ici qu'à 10h30 du soir. Ta mère et nos enfants m'attendaient avec une vive inquiétude. Ma présence les a rassurés. Oh, mon Edmond, avec quel redoublement de tendresse je les ai embrassés, ces trois êtres si chers à notre affection, lorsque je les ai retrouvés après cette cruelle journée. Ta mère, malgré l'anxiété que lui a causée mon absence prolongée, est, je te l'ai dit, dans un état satisfaisant. Juliette, à l'heure où je t'écris, minuit, repose. Je vais tâcher de reposer aussi, car les tristes émotions d'aujourd'hui m'ont brisée. Bonsoir, mon Edmond. Cette lettre ne partira que demain, j'y ajouterai quelques lignes. Mon ami, ne t'alarme pas, mais je t'ai promis une entière sincérité. Juliette a passé une très mauvaise nuit. Son accès de fièvre a reparu vers les 2 heures du matin. Il était beaucoup plus violent que celui de la nuit dernière, et avant qu'il eût cessé, il a été accompagné de délire. La pauvre enfant t'appelait en pleurant. Elle voulait couper les cordes dont elle t'a vu lier dans la charrette. Cette pensée l'obsédait. J'employais tous mes efforts pour étouffer ses cris plaintifs, de peur qu'ils n'éveillassent ta mère et Albert. Je n'ai pu, malheureusement, éviter ce que je craignais. Notre bonne mère, incapable de se lever, m'a demandé avec angoisse ce qu'avait Juliette. Son frère, éveillé en sursaut, s'est mis à fondre en larmes en l'embrassant. Elle ne le reconnaissait pas, non plus que moi. Je tâchais de la retenir dans son lit, d'où elle voulait sortir, afin d'aller, disait-elle, te retrouver en Afrique. Enfin, épuisée par la force même de l'accès, elle s'est calmée. Une sueur froide collait ses cheveux à ses tempes. D'abord brûlante, elle frissonnait. Je l'ai chaudement couverte. Elle avait les yeux fermés et semblait anéantie. Elle me disait seulement de temps à autre « Pardon, maman, pardon !» Et puis elle est tombée dans un profond assoupissement. Ce n'était pas un bon sommeil. De temps à autre, elle s'agitait. Elle se retournait dans son lit en prononçant des paroles sans suite. La veille, le médecin l'avait vu en mon absence, se bornant à continuer de prescrire des bains de pieds et de la limonade cuite, disant qu'avant d'ordonner autre chose, il voulait observer si l'accès se réglerait ou non. L'accès se réglait malheureusement. Il faisait à peine jour. Il m'en coûtait de laisser sortir Albert seul de si grand matin. Mais n'ayant personne à envoyer chez le médecin, je priai ce cher enfant de s'y rendre tout de suite et de le ramener s'il le trouvait. Puis j'entrai chez notre bonne mère afin de la rassurer. Tu sais son adoration pour nos enfants. Elle se lamentait, s'exagérant, grâce à Dieu, les suites de l'indisposition de Juliette. Enfin, mon ami, car je devine ton impatience, Albert a ramené le médecin. Tu le connais, c'est un homme brusque, il parle sans ménagement et ne vous fait jamais illusion sur la réalité. Je lui ai raconté les différentes phases de l'accès de Juliette. Il l'a longtemps examiné. Puis il m'a dit, je te rapporte textuellement ses paroles, « C'est grave. » Mais monsieur, il n'y a aucune inquiétude sérieuse à avoir, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Cette fièvre peut devenir une fièvre typhoïde. Mais, quant à présent, il faut se borner à une médecine expectative. Je reviendrai ce soir. Telles sont ses paroles, mon ami. Il a écrit une ordonnance. Albert est allé aussitôt la porter chez le pharmacien. Honorine est heureusement venue. Elle n'est pas encore placée. Elle a pu donner ses soins à ta mère pendant que je restais auprès de Juliette, qui, malgré sa somnolence, voulait presque toujours tenir une de mes mains dans les siennes. Il y a une demi-heure, cet accablement a fait place à un véritable sommeil. J'ai doucement retiré ma main de celle de Juliette et je me suis empressée de terminer cette lettre. Telle est, mon ami, la vérité. Je t'en supplie, ne t'alarme pas outre mesure. C'est grave, a dit le médecin, mais il ne sait pas encore si cela peut devenir sérieusement inquiétant. L'espérance nous est donc permise sans aucune illusion. Telle est la ressource de vitalité des enfants qui sont souvent presque aussitôt relevés qu'abattus. Te rappelles-tu le fils de notre excellent ami, Scipion David? Il avait l'âge de Juliette, on le croyait dans un état désespéré. 3 jours après, il entrait en pleine convalescence. Ah, Juliette vient de s'éveiller, elle m'appelle. Bon espoir, notre cher enfant est plus calme. Sa peau est moite, ses douleurs de tête ont diminué. Elle a vu de son lit mon pupitre à écrire. Elle me dit de t'embrasser tendrement pour elle et de t'assurer qu'elle se trouve beaucoup mieux et que demain elle sera levée, pour sûr. Albert me demande la permission de t'affirmer aussi et de sa main que sa sœur est beaucoup mieux. Je le laisse écrire. Bon petit père, ne te tourmente pas. Je t'assure que Juliette va mieux et qu'elle sera levée demain, bien sûr. Bien sûr. Je t'embrasse de tout mon cœur. Albert. Pauvre chère créature, ils veulent, mon ami, t'épargner toute inquiétude. Mais j'ai dû te dire le vrai. Et le vrai est que malgré la gravité de l'indisposition de Juliette, il faut tout espérer. Adieu, mon Edmond. À bientôt. Louise. P.S. Dès que j'aurai quelques nouvelles sur le sort des enfants de M. Sylvain Poirier, je t'écrirai.